Francis Jam, j'ai fumé ma pipe en terre. J'ai fumé ma pipe en terre et j'ai vu les bœufs, avec la barre au front et les museaux morveux, résister aux paysans qui leur piquaient la croupe par-dessus les cornes. Et j'ai vu, douce troupe, défiler les brebis touffues aux jambes frêles. Le bon chien faisait semblant d'être en colère, et le berger lui criait « Loup, viens, loup, ici !» Alors le chien joyeux gambadait jusqu'à lui et mordait son bâton d'un air facétieux sous la tranquillité du chaud ciel pluvieux. »